Lettre 106e, Calpurnie à son frère Lucius, Nicomédie, mai 305. Quelles horribles choses se commettent ici. Il ne faut que se rapprocher des murs de cette malheureuse ville pour être jeté dans un tourbillon de maux, de tourments et d'angoisses. Oh mon frère, mon cœur n'a que trop pressenti le malheur qui nous menaçait lorsqu'il battit si fort en revoyant Agathoclès. Que n'ai-je pas déjà souffert pour lui et quelles peines m'attendent encore? La rivalité et la haine entre Galerius et Constantin vient d'éclater publiquement. Le prince, accusé d'avoir attenté à la vie d'Auguste, mais averti du danger qui le menaçait, a pris la fuite. Il a été arrêté à Chalcédoine, ramené à Nicomédie et renfermé dans une étroite prison. Agathoclès apprend cette nouvelle. Il s'arrache des bras d'une épouse adorée, de son bonheur domestique, gagne à force d'or les gardes, mécontents d'ailleurs de voir leur chef qu'ils aiment dans les fers et condamné à la mort. Il les détermine à le laisser pénétrer un instant auprès de son ami, et cet homme vraiment héroïque et généreux engage Constantin à s'évader dans ses habillements, en le laissant à sa place, c'est-à-dire voué à une mort certaine et cruelle. Comprends-tu que Constantin ait accepté cet étonnant sacrifice? J'ignore par quel motif Agathoclès a su le persuader, mais il y a consenti, et peut-être est-il déjà à Byzance. La rage de Galerius ne connaît aucune borne. Il a fait publier, sous peine de mort, que personne ne hasarda de lui parler en faveur d'Agathoclès, qu'il déteste à présent bien plus que Constantin. L'exécrable Marcius, qui jouit auprès de lui de la plus haute faveur, et qu'il veut, dit-on, nommer César en lui donnant sa fille pour épouse, l'excite et l'anime encore contre notre malheureux ami, dont la perte est jurée. C'est ainsi que le mortel le plus vertueux que j'ai connu sera victime de son amitié exaltée et de la méchanceté. Il ne nous reste aucun espoir de le sauver. Avant-hier, il était encore chez moi, si heureux, si content, que mes jours de bonheur, au commencement de notre connaissance, se retracèrent involontairement à mon esprit. Et aujourd'hui, Dieu, aujourd'hui, ah, qu'est-ce que la vie et les sentiments et la prévoyance des mortels! Tiridate fut le premier instruit de cette affreuse nouvelle. Agathoclès lui envoya le soldat qu'il avait gagné pour le laisser entrer dans la prison et lui fit recommander sa femme et son enfant. Jamais Tiridate ne m'a paru aussi intéressant qu'au moment où, anéanti par la douleur et les larmes dans les yeux, il vint m'apprendre l'action sublime et le danger de notre ami, me disant d'aller à l'instant même préparer la pauvre Théophanie au coup terrible qui l'attendait et de ne pas l'abandonner. Je tombai dans les bras de mon Tiridate. Nos larmes se confondirent. Nous nous promîmes mutuellement de faire l'impossible pour le sauver, ou pour adoucir, du moins par notre amitié dévouée, le sort affreux de ce couple infortuné. Tiridate, bravant et le courroux et la défense de Galerius, courut au palais. À force de supplications, il obtint de voir son ami dans la prison, mais il dut prêter un serment terrible de ne rien tenter pour le sauver. Pendant cela, je me rendis chez la malheureuse Théophanie. Je la trouvai déjà préparée à tout, par l'inquiétude mortelle que lui donnait l'absence d'Agathoclès. Il était sorti depuis plusieurs heures sans lui dire où il allait, et dans une agitation extrême. Lentement et avec toutes les précautions possibles, je lui fis deviner plutôt qu'entendre ce qui venait de se passer. Mais tous mes soins furent inutiles. Dès qu'elle eut pressenti la désespérante vérité, une pâleur mortelle couvrit son visage. Ses traits se contractèrent. Elle tomba dans mes bras sans connaissance. Une heure entière s'écoula sans qu'elle donnât le moindre signe de vie. Elle ne lui fut rendue que pour entrer dans un délire effrayant. Et tel est l'état où je viens de la laisser pour t'écrire. Mon cœur est déchiré. Les médecins craignent beaucoup pour sa vie, surtout si la nature, ébranlée, annonçait l'époque de sa délivrance. Je suis décidé à ne point la quitter. Peut-être est-ce la seule et dernière preuve que je puisse donner à mon infortuné ami d'un attachement qui ne finira qu'avec ma vie.